Mireille Kanyang. Eric Ouimana sur la mise en onde. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 7 juin. En voici les grands titres. Grogne de certains des demandeurs de services à l'OBR suite à la lenteur. Le commissaire général de cet office est au courant et promet une solution par l'informatisation du mode de paiement. Dans cette édition, on vous parlera de l'appréciation de la conservation des récoltes dans les hangars en province Muyinga. Et la chronique nutrition de ce dimanche sera axée sur les éléments nutritifs du blé. Rebonjour et bienvenue. Bonjour. Certains contribuables à l'Office burundais des recettes OBR se lamentent suite à une lenteur liée au paiement pour l'obtention des documents dont ils ont besoin. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent qu'ils sont exigés qu'on leur dit de s'aligner durant un long moment et cela perturbe d'autres activités et demande à l'Office burundais des recettes OBR de leur faciliter la tâche lors du paiement. Le point avec Ezekiel Ndikumwenayo. Ces contribuables disent qu'ils passent d'un bureau à un autre, ce qui perturbe les autres activités. Et ce n'est pas facile parce qu'on est obligé d'aller sur les lignes et elles sont très longues et parfois c'est sous le soleil accablant. Il n'y a même pas des pupitres où on peut s'asseoir. Par exemple, tu peux avoir besoin d'un autre service, tu es obligé d'être sur ces lignes et la perte du temps surtout. Il y a beaucoup de tracasseries, puisque les procédures sont vraiment très longues. On vous dit chaque fois, allez payer soit à l'Emmaüs, soit au bureau de l'OBE qui se trouve aux environs du port. Où les voies de paiement ne sont pas vraiment nombreuses. Il faut vraiment multiplier les guichets. Ces derniers demandent à l'OBR de chercher d'autres voies pour faciliter le mode de paiement des impôts, taxes et d'autres documents. Nous demandons à l'OBR de nous faciliter la tâche parce qu'on perd beaucoup de temps. Si je me situe à la place de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur, eux, ils souffrent énormément. Tu dois payer par exemple pour une quittance de 20 000 et tu dois payer le bus, tu dois te déplacer. Alors que l'idéal serait de multiplier les guichets auprès de toutes les institutions financières, les banques, les postes, dans toutes les communes par exemple, dans toutes les provinces, quitte à ce que vraiment le contribuable n'ait pas à se déplacer pour venir ici à mairie de Bujumbura. Il suggère à l'Office burundais des recettes de multiplier ses guichets partout dans le pays. Et sur ces inquiétudes de ses contribuables, le commissaire général de l'OBR, Audace Niyonzima, dit que l'OBR est préoccupé par cette question et tranquillise et compte informatiser le mode de paiement de ses impôts et taxes et autres documents octroyés par cette institution. Suivez. C'est une réalité. Les contribuables perdent beaucoup de temps passé d'un bureau à un autre. Le contribuable est obligé d'aller payer à la banque, ensuite d'aller chercher la quittance dans un bureau de l'OBR et puis déposer la quittance dans un autre service pour enregistrer les montants payés. Donc toutes ces procédures-là, ça nous préoccupe et nous sommes en train d'entreprendre des réformes qui permettront de résoudre ce problème. Le guichet unique s'inscrit dans les réformes dont je viens de vous parler. Les réformes en question consistent à informatiser toutes les procédures de la collecte des taxes et des impôts. C'est-à-dire que lorsque tes procédures seront informatisées. Le contribuable n'aura plus à payer puis à s'aligner à tous ces bureaux-là. Le contribuable pourra payer dans sa banque ou alors par moyen de paiement mobile et lorsqu'il aura payé par le système informatique, la quittance ou l'enregistrement de ses impôts se fera automatiquement. Donc il n'aura plus besoin de parcourir les différents bureaux pour retirer ou déposer la quittance. Cette réforme s'établit-là ici à Bujumbura ou bien dans toutes les provinces? Tous les bureaux seront connectés. Nous avons 26 bureaux frontaliers qui doivent être connectés au système central ici à Bujumbura. Nous avons 18 bureaux provinciaux qui doivent être connectés au système central à Bujumbura. Alors, quand tous ces bureaux seront interconnectés et que les bureaux seront bien aménagés, ces services seront rendus dans les bureaux provinciaux ou dans les bureaux frontaliers. Donc, c'est dans tout le pays. Audace Niyonzima, commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR, au micro d'Ezekiel Ndikumwenayo. Parlons à présent agriculture. Le directeur de l'environnement agriculture et élevage en province Muyinga invite les cultivateurs à conserver leurs récoltes dans les hangars de conservation déjà érigés sur bon nombre de collines au moment où les prix de différentes denrées ont chuté sur le marché. Des producteurs affirment avoir stocké leur production dans des hangars communs, non seulement pour attendre comprendre la hausse des prix, mais également pour se prévenir aussi contre des vols dans les ménages. Le point avec Dieudonné Nzeimana depuis Muyinga. La voix est de Rosette Muregwa, productrice agricole de la colline Kibogoye, commune Muyinga. Elle compare le hangar de conservation de semences à une banque des paysans. Elle indique qu'on y dépose haricots, riz, par sac de 100 kg. Les gestionnaires font une retenue de 3 kg. Rosette, comme d'autres producteurs, indique avoir placé leur production loin des risques de vol dans les ménages, avec l'avantage des meilleures conditions de conservation en attendant que les prix montent sur le marché. Aujourd'hui, un kilo d'haricots vaut 1000 francs. Il y a un mois, c'était plus de 2000 francs burundais. Roger Sendegeya, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, invite tout producteur à ne pas gaspiller la récolte, mais plutôt se fier aux gestionnaires de ces hangars. Il précise que ces magasins communs sont implantés ici et là sur les collines, même si par endroits, deux ou trois collines partagent encore un même hangar. Le souci étant que chaque colline en soit dotée. Les producteurs de Kibogoye demande en plus des pesticides pour mieux conserver leur production. Kibogoye, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Parlons agriculture encore. L'Office burundais pour le développement du café au Burundi, ODECA, estime que parmi les défis à relever dans la filière café figure l'incitation de la jeunesse burundaise à s'atteler à ce secteur. Ingénieur Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'ODECA, interpelle les jeunes à suivre le modèle de leurs aînés et promet que l'État est prêt à les accompagner. Suivez. De façon globale, nous constatons qu'il y a une réticence au niveau de la population du Burundi dans l'entretien de la caféculture. Les jeunes n'ont pas été informés à l'avance qu'ils ont un rôle important, peut-être dans l'augmentation de la production. Mais aujourd'hui, vu que le gouvernement avait été mis à l'écart dans les années passées, et pour le moment, le gouvernement a constaté qu'il fallait revenir. C'est dans ce cadre que, parmi les défis à relever, il y a l'incitation de la population en général, et des jeunes en particulier, à s'atteler aux travaux de développement de la filière du café, dans la logique de pérenniser la filière, dans la logique de redynamiser aussi la filière, parce qu'un développement sans jeunesse ne peut pas être un développement durable. Nous interpellons déjà les jeunes suivre le modèle de leurs aînés en se regroupant des coopératives qui est une source de force de développement, qui est une source de revenus durables pour toute communauté bien construite comme celle du Burundi. Ingénieur Emmanuel Niyungeko, directeur général de l'ODECA, au micro de Fidèle d'Antoine Nsabiman. Poursuivons cette édition à 13h02. Dans nos studios, 200 élèves et filles de trois écoles situées au chef-lieu de la province Moaro ont reçu ce samedi des serviettes hygiéniques. Ces dernières ont été offertes par un consortium de trois associations et les autorités scolaires en commune Kayokwe dans cette province, tout comme le conseil socio-culturel du gouverneur de cette province de Moaro. Salut ce geste. Les détails avec Laurent Dikouli. Parmi ces 200 élèves et filles qui ont reçu ce samedi des serviettes hygiéniques, 75 élèves sont du lycée Moaro, 75 autres étudient au lycée communal Moaro 1 et 50 sont de l'école fondamentale Kigutu. Ces serviettes hygiéniques ont été offertes par trois associations, à savoir l'Association des professionnels pour le développement des collectivités APRODEC, l'Association des femmes rapatriées du Burundi AFRABU en sigle, ainsi que l'Association Ejoheza avec l'appui d'un Burundais résident au Canada et natif de la colline Gihinga en commune Kayokwe, nommé Rukundo Jean-Pierre. Selon Iterite Kanikola, représentant l'association Ejoheza, l'idée a été motivée par le fait que certains élèves, filles, en période menstruelle, éprouvent des difficultés par manque de serviettes hygiéniques adéquates. Il indique que ce type de serviettes hygiéniques peuvent être utilisées pendant 3 à 5 ans et sont régulièrement lavées. Il demande à ces jeunes filles de faire preuve de propreté et respecter les mesures d'hygiène pour ne pas s'exposer à différentes maladies. Juvenal Ndaikeza, conseiller à la direction communale de l'enseignement en commune Kayokwe, salue ce geste. Il précise que certaines filles ne parviennent pas à se procurer de ces serviettes hygiéniques. Le conseiller socio-culturel du gouverneur de la province Moaro, Claven Ngurube, dit quant à lui que les élèves filles aux maigres moyens n'en ont pas facilement et peuvent s'absenter en classe, ce qui peut handicaper le travail scolaire. De Moaro, Laurent Dikouri, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le magnésium et la vitamine C sont certains des éléments nutritifs contenus dans le blé. Selon le spécialiste en nutrition, professeur Aloïse Niungabo, la consommation régulière du blé peut guérir certaines maladies, dont le rhumatisme. Aloïse Niungabo signale que le blé est un aliment qui peut être consommé par tout le monde, depuis, y compris le nourrisson de 6 mois. Les détails, c'est dans cette chronique nutrition avec Vestine Boutoui. Lors de la chronique précédente, nous vous avions parlé des variétés du blé ainsi que sa préparation. Aujourd'hui, le spécialiste en nutrition Aloïse Niongabo fait savoir que le blé contient beaucoup d'éléments nutritifs, dont le minéral de magnésium et la vitamine C. Il contient les minéraux, les fibres, les protéines et c'est une véritable source d'énergie. Il contient peu de sucre et de matières grasses. Surtout, il contient des sels minéraux, surtout le sélénium et le zinc, qui sont deux sels minéraux les plus importants parmi d'autres sels minéraux. Il contient ce qu'on appelle le magnésium. Il contient aussi la famille des vitamines B, les B1, B2, B3, aussi les forates comme les B12, qui ont une très grande importance lors de la croissance, lors de la reproduction, aussi bien un tout petit peu la vitamine C aussi. Selon Aloïse Niongabo, la consommation du blé peut guérir certaines maladies dont le rhumatisme, sans oublier le fait d'éviter de vieillir avant le temps. Et ce magnésium, c'est un anti-stress, c'est un anti-fatigue pour les gens qui ont des crampes, le rhumatisme. Le blé peut essayer de sauvegarder la santé de ces gens-là qui souffrent du rhumatisme. Il protège beaucoup le corps et contribue à accélérer le transit intestinal, contrairement aux céréales raffinées comme le riz blanc ou le blé blanc. Ce sont des céréales complètes, donc leurs enveloppes extérieures très riches en fibres et les fibres contribuent au bon fonctionnement de l'intestin et à l'accélération du transit intestinal. Le blé réduit la sensation de la faim. Il procure aussi une prolongation de satiété. Il permet d'avoir aussi un contrôle sur son poids. Il possède un index glycémique modéré, le tiers des apports journaliers recommandés en vitamine E, puissants antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement. Alors, le tiers des apports en zinc qui protège les infections et favorise la cicatrisation, et aussi l'apport en magnésium qui est un anti-stress et anti-fatigue. En tenant compte des éléments nutritifs contenus dans le blé, ce spécialiste en nutrition, professeur Aloïse Niongabo, précise que ce dernier est un bon aliment pour tout le monde depuis le nourrisson de 6 mois. Comme je viens de vous dire qu'il possède beaucoup de vertus, le blé est conseillé à tout âge. À partir, vous savez qu'à tout âge, c'est avant la conception, pendant la grossesse, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, tout âge. Professeur Aloïse Niongabo appelle toute la communauté burundaise à associer dans leurs aliments quotidiens le blé pour avoir une meilleure santé et se prévenir contre le vieillissement précoce. Voilà, à 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition de ce dimanche 7 juin. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Rick Ouimana qui a assuré la mise en onde. Un excellent après-midi. À tous et à tous, au revoir.